السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، poursuivons notre cours sur les règles de la purification. Et mercredi soir, nous sommes arrêtés dans les annulatifs des ablutions. Nawaqidul wudu. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié shurutu sihhati al-wudu, les conditions d'authenticité de l'wudu, furudu al-wudu, les obligations dans les ablutions, puis sunan al-wudu, les choses recommandées dans l'wudu, puis sifatu al-wudu, comment faire al-wudu, les caractéristiques et comment faire al-wudu. Et nous sommes entrés, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, dans le chapitre Nawaqidul Wudu. Nous allons reprendre au début et poursuivre inshallah ta'ala. Nawaqidul Wudu هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. Donc, نواقض الوضوء, les annulatifs des ablutions, sont les choses qui rendent caduques et annulent donc les ablutions de la personne. Premièrement, الخارج من السبيلين مطلقا. Premièrement, tout ce qui sort des deux orifices de manière absolue, tout ce qui sort de devant ou de derrière. Tout ce qui sort de devant ou de derrière. Que ce soit une chose pure ou une chose impure. Que ce soit à la fois la personne qui est en bonne santé ou que ce soit sorti dû à une maladie. Tout cela annule les ablutions de la personne. La deuxième chose qui annule les ablutions de la personne, zawal al-aql wa taraqiyatuhu bi irma'in aw nawm, c'est la perte de connaissance ou la perte de la raison, le fait de perdre la raison. Et entre dans cet annulatif le cas où la personne perd connaissance, celle qui s'évanouit, et la personne qui dort, le sommeil lourd. Non. On avait fait ces deux points-là. Par Ibn Wasil. ثالثا مس الفرج الآدمي بلا حائل بلا حائل على قول من أقوال أهل العلم وفي المسألة نزاع وخلاف. Le troisième point qui annule les ablutions de la personne, le fait de toucher le sexe d'un humain sans qu'il y ait une chose qui sépare entre la main de la personne et le sexe de l'autre. Naam. Donc si la personne touche directement le sexe d'un humain, ça annule ses ablutions. Ça, c'est un avis parmi les avis des gens de science. Et la preuve, قَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّ وَقَالَ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a touché son sexe, qu'il refasse ses ablutions. قال بعض أهل العلم وهذا يشمل القبول والدبر لأن الفرج اسم لمخرج الحدث. Puis les savants ont divergé. Est-ce que la chose qui annule les ablutions est le fait de toucher ses parties génitales, donc devant, ou est-ce que ça englobe même derrière? Donc est-ce que celui qui se touche le derrière a annulé ses ablutions? Les savants ont divergé sur cette question. Car le mot farj est un nom général qui englobe ces deux choses, donc devant et derrière. Devant et derrière. Ça englobe tout ce par quoi le hadath peut sortir, la chose qui coupe les ablutions. La personne peut perdre sa ablution due à l'urine, elle peut perdre ses ablutions dues par exemple à un gaz ou au sel. D'autres parmi les savants ont dit que ça n'annule pas les ablutions, que ça n'annule pas les ablutions, sauf si il fait cela avec désir, bishahwa. Massu al-farj bishahwa, qalu hadha alladhi yanqudhu al-wudu. Amma biduni shahwa la yanqudhu al-wudu. D'autres parmi les savants ont dit que de toucher la partie génitale avec désir, voici ce qui annule les ablutions de la personne. Et dans le cas contraire, ça n'annule pas ses ablutions. Dans le cas contraire, ça n'annule pas ses ablutions. Non. Un point ici qui mérite d'être cité, et c'est une question qui revient souvent, particulièrement de la part des mères qui ont des enfants en bas âge. Elles sont amenées à changer leur couche, à les nettoyer, à les laver, et ainsi de suite. Donc, est-ce que le fait de toucher les parties d'un enfant annule les ablutions ou pas? Dans cela aussi, il y a une divergence. Dans cela aussi, il y a une divergence. Mais l'avis qui a été retenu par al-muhaqiqoun comme Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala est de dire que ça n'annule pas les ablutions de la personne. Donc le fait de toucher, yani massu 'awrati as-saghir la yanqudhu al-wudu, la yanqudhu al-wudu. Le fait de toucher la partie d'un petit, ça n'annule pas le wudu. Par exemple, la mère qui lave son enfant, est-ce que ça annule ses ablutions? Non, ça n'annule pas ses ablutions. Naam. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit massu 'awrati at-tifl la yanqudhu al-wudu. بل مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان للشهوة. Ibn Uthaymin رحمه الله تعالى nous dit, le fait de toucher la aura d'un petit n'annule pas les ablutions. Plus encore, le fait de toucher la aura d'un adulte n'annule pas le wudu, sauf si c'est fait avec désir. Sauf si c'est fait avec désir. Puis il nous dit, وَبِهَذَا نَجْمَعُ بَيْنَ حَدِيثِ طَلْق ابن عَلِي وَبُسْرَ بِنْ صَفْوَانِ. Il dit ainsi, on peut unir entre les deux hadiths. Dans un premier hadith, On nous dit innama huwa bid'atun mink. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur le fait de refaire ses ablutions après avoir touché son sexe, il a dit ça n'est qu'une partie de toi. Il a dit à cet homme ça n'est qu'une partie de toi. Donc celui qui touche son sexe comme il a touché sa main ou son genou, donc sans shahwa, n'aura pas annulé ses ablutions. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَلْيَتَوَضَّ فَلْيَتَوَضَّ. Naam, donc dans le hadith de Talq ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك. Donc dans le hadith de Talq, un homme a questionné le prophète صلى الله عليه وسلم sur le fait de toucher sa partie, est-ce qu'il doit refaire le wudu? Il a répondu non, ça n'est qu'une partie de toi. Wa fi hadith Busra, man massa dhakara falyatawadda. Dans un autre hadith, celui qui a touché son sexe, qu'il refasse le wudu. Le shaykh dit, rahimahullahu ta'ala wa hafidah, naqul idha kana li shahwatin wajaba al wudu, wa idha kana li ghayri shahwatin lam yajib. Donc Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit, en unissant ces deux hadiths, on comprend que celui qui a touché les parties génitales avec désir ou plaisir, voici celui qui doit refaire ses ablutions. Quant à celui qui n'a pas fait cela avec désir ou plaisir, celui-ci n'a pas à refaire ses ablutions. Dans un autre cours ou dans une autre fatwa, il dit, mais c'est bien de refaire le wudu pour celui qui a touché ses parties. Il dit, je fais cela pas parce que j'ai comme conviction que ça annule le wudu, mais ihtiyaqan, par sécurité. Quand il y a une divergence, c'est bien de prendre la sécurité. C'est bien de prendre la sécurité. Non. Donc j'ai cité ce point parmi les annulatifs des ablutions, il a le fait de toucher le sexe, mais sachez qu'il y a cette divergence. Et ils ont aussi ajouté, ceux qui ont dit que ça annulait le wudu, c'est dans le cas où la personne n'a rien mis entre sa main et la partie. Quant à celui qui a mis par exemple un gant ou autre chose, donc sa main ne touchera pas directement la peau, celui-ci n'aura pas annulé al-wudu. Le quatrième point, aklu lahmil ibil, le fait de manger de la viande de chameau. Sawa'an kana نيئاً أو مطبوخاً. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. ثم قال أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. ف هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم، فدل على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيار. فالوضوء من الإبل واجب. Donc dans un hadith ou avant cela entre dans les annulatifs des ablutions le fait de manger de la viande de chameau. Qu'elle soit cuite ou non. Car dans le hadith de Jabir ibn Samura, un homme a questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, dois-je refaire mes ablutions si je mange? Afwan, dois-je refaire mes ablutions si je mange du mouton? Il lui a répondu, si tu veux, refais tes ablutions. et si tu veux, ne les refais pas. Puis l'homme lui a dit, dois-je refaire mes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau? Et il lui a dit, oui, refais tes ablutions après avoir mangé de la viande de chameau. En quoi ce hadith est une preuve pour ceux qui ont dit que manger de la viande de chameau annule les ablutions de la personne? Car pour le mouton, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, si tu veux, tu refais le wudu, si tu veux, tu ne refais pas le wudu. Donc il a laissé le choix à la personne. Par contre, lorsqu'il l'a questionné sur la viande de chameau, il lui a dit, refais tes ablutions. Il ne lui a pas laissé le choix. Les savants ont donc tiré de ce hadith l'obligation de refaire ses ablutions après avoir mangé mada, ou plutôt que manger de la viande de chameau fait partie des annulatifs des ablutions. Puis, et les savants citent une question concernant le chameau. هل يشمل ذلك بقية أجزاء الإبل أو اللحم فقط؟ Est-ce que ce jugement est propre au reste des parties du chameau ou c'est seulement pour la viande? Ou c'est seulement pour la viande? الشيخ dit الصحيح أنه يشمل اللحم وغيره والأدلة على ذلك أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع أجزاء جميع الأجزاء قال الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده فكله حرام وفي هذه المسألة خلاف قوي. في السابق citer une question. Est-ce que ce jugement est propre à la viande ou à autre chose sur le chameau? Est-ce que c'est que la viande qui a ce jugement ou le chameau tout entier? Ou le chameau tout entier? Il y a une forte divergence sur cela. Al-Shir, en général, comme je vous ai dit, c'est Al-Hajj ibn Athaymin rahimahullah ta'ala que je vous transmets, dit ça englobe la viande et autre que la viande. Englobe la viande et le reste. Car dans la langue de la législation, lorsqu'on dit la viande, ça englobe le tout. Par exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit, sur la traduction, il vous a été interdit les viandes mortes, le sang et la viande de porc. Est-ce que la viande seulement du porc est interdite ou le reste également? C'est le porc tout entier qui est interdit. Donc, on utilise le mot viande et on vise l'ensemble. Et il y a une grosse divergence, une grande divergence dans cette question. Puis, هل يشمل كذلك البان الإبل? Est-ce que ça comprend également le lait de chameau? Est-ce que celui qui boit du lait de chameau aura annulé ses ablutions ou non? Al-Shir nous dit là à la sahih. Il nous dit que ça ne comprend pas le lait de chameau selon l'avis prépondérant authentique. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال الإبل وألبانها ولم يأمر من شرب بالوضوء. Ils ont dit que de boire du lait de chameau n'annule pas les ablutions, car dans des hadiths on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à certaines personnes le fait de boire de l'urine de chameau et du lait de chameau. C'est un remède. L'urine de chameau et le lait de chameau, ça fortifie, c'est un remède, même contre les maladies les plus graves, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. À ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit et refait le wudu avant de prier. Non. Donc si cela faisait partie des annulatifs des ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait cité, car ici il y a une nécessité de savoir cette science. Non. Certains citent Ar-Ridda L'apostasie, c'est-à-dire celui qui sort de l'islam. Et ceci n'est pas propre à l'wudu, c'est propre, ou bien c'est général pour toutes les actions. Que celui qui sort de l'islam, on annule ses actions. قال الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et s'ils avaient commis le polythéisme, c'est-à-dire le polythéisme majeur, nous aurions annulé tout ce qu'ils avaient fait. Celui qui tombe dans le shirk akbar, iyadan billah, ceci annule toutes ses actions, tout ce qu'il a fait comme prière. Par exemple, la personne qui a 60 ans, et elle prie depuis l'âge de 7 ans. Elle prie depuis l'âge de 7 ans. Donc il a 53 années de prière. Et il jeûne, par exemple, depuis 10 ans. Donc il a 50 années de jeûne. Et il a fait l'umra deux fois. Et il a fait le hajj deux fois. Puis, il fait, par exemple, du sihr. Iyadan billah. Il fait de la sorcellerie. Naam. Il fait un pacte avec le shaitan afin qu'il lui prête ses services. Il tombe donc dans le sihr, la sorcellerie. Yata'amal ma'a shaitan, iyadan billah. Ou il va voir un sorcier qui lui dit égorge telle bête. Naam, égorge telle bête pour moi ou pour le djinn un tel. Et ce dernier s'exécute. Il aura donc sacrifié une bête au nom d'un autre qu'Allah ou pour un autre qu'Allah. Cette personne-là est sortie de l'islam. Car elle est tombée dans le polythéisme majeur, le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Comme Allah nous le dit dans le Coran, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Celui qui tombe dans le shirk al-akbar, donc il donne un égal à Allah, il donne une adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme conviction qu'autre qu'Allah azza wa jalla s'associe à, dans ses actions qui lui sont propres, comme la création, comme maza, donner la guérison, ou la guider, ou autre, ou faire entrer au paradis, sauver de l'enfer, cette personne-là sort de l'islam. Elle perd toutes ses actions s'il meurt ainsi. Elle perd toutes ses actions si elle meurt ainsi. Si elle meurt ainsi. Et parmi les actions, elle wudu. C'est pour ça que certains savants ont cité, parmi les annulatifs de l'wudu, ridda, l'apostasie. Allah nous en préserve. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés bittawba, avec le repentir. Par contre, sans le repentir, Allah a décidé de ne pas pardonner le shirk. Allah a décidé de ne pas pardonner le shirk. Celui qui rencontre Allah avec du shirk sans s'en être repenti, na'am, il le trouve. Il trouve le shirk dans ses feuillets, yawm al-qiyam. Quant à celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec des péchés en dessous du shirk, il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne. Et si Allah veut, il le châtie. Pour un temps déterminé, puis sa destination finale sera le paradis. Aucun monothéiste s'éternise en enfer. Comme aucun mouchrik n'entre au paradis. Retenez cette règle, c'est très important. Aucun mouahid s'éternise en enfer. Tout comme aucun mouchrik n'entre au paradis. Naam. Hada. Voici pour ce point. Une autre question. Ma yujibu lahu al-wudu. Quelles sont les actions qui nécessitent de faire ces ablutions? Quelles sont les actions, les choses qui nécessitent de faire ces ablutions? Il y a des actions, des adorations que tu veux faire. Pour les mettre en pratique, il te faut avoir al-wudu. Quelles sont ces actions? Premièrement, comme vous le savez tous, as-salah, la prière. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من لا يقبل الله صلاة من بغير طهور من غير طهور. الله n'accepte pas une prière sans purification, sans al-wudu. La deuxième chose, التواف بالبيت. التواف بالبيت الحرام. La circumambulation autour de la Kaaba. La circumambulation autour de la Kaaba. Que, يعني فرضا كان أم لفنا أم نفلا. Que ce tawaf soit un tawaf obligatoire ou surérogatoire. Pour faire le tawaf, il te faut al-wudu. Lifi'li sallallahu alayhi wa sallam. Tawadda'a thumma taf. Pourquoi cela? Car c'est ainsi qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait ses ablutions, puis est sorti. Il a fait ses ablutions. Il a fait ses ablutions, puis a fait al-tawaf, la circumambulation. Aussi, il a dit alayhi salatu wassalam, At-tawafu bil bayti salatun. At-tawafu bil bayti salatun, illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la circumambulation, le fait de tourner autour de la Kaaba, c'est une prière. Si ce n'est qu'Allah a permis de parler pendant cette action. Et on sait tous que dans la prière, on conditionne, pour faire la prière, on conditionne At-tahara, al-wudu. La troisième chose, Massu al-mushaf bibasharatihi bila ha'il ala qawlin min ahli al-ilm. La troisième et dernière chose, le fait de toucher le Qur'an directement sans maza, sans mettre quelque chose sans séparation entre la main et le Qur'an. Naam, ça c'est un avis parmi les avis des gens de science. Ceci est un avis parmi les avis des gens de science. C'est que la personne qui n'a pas le wudu, naam, ne doit pas prendre le Coran avec ses mains. Ne doit pas prendre le Coran directement avec ses mains. Mais s'il y a quelque chose entre ses mains et le mushaf, à ce moment-là, c'est permis. Et ils ont utilisé certains textes, comme le hadith « La yamassu al-Qur'an illa tahir » ne touche le Qur'an qu'une personne pure. D'autres ont dit que c'était permis de toucher le Qur'an sans le wudu. D'autres ont dit que c'était permis de toucher le Qur'an sans le wudu. Je ne parle pas de réciter le Qur'an, je parle de toucher le mushaf avec ses mains. Ce sont deux questions différentes. Ils ont répondu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant était toujours pur et qu'il ne pouvait être impur. Inna al-muslim wa inna al-mu'min la yanus. Naam. Le prophète sallallahu alayhi a dit le croyant ne peut devenir impur. Ils ont donc dit il peut toucher le Coran même lorsqu'il n'a pas le wudu, il est pur le croyant. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun doute que c'est mieux d'avoir le wudu. Naam. D'avoir le wudu pour toucher le mushaf ou autre. Pour éclaircir le premier point dans les annulatifs des ablutions, Al-Kharij min as-sabilay, Naam, je vous avais transmis qu'ils ont dit tout ce qui sort des deux voies naturelles, de devant ou de derrière. D'accord? Je vais citer des choses plus précises afin que ce soit, Inch'Allah ta'ala, parfaitement clair. Même si ça ne l'est, même si ça l'est, Inch'Allah déjà, un peu, au moins. Donc parmi ce qui sort, l'urine. Parmi ce qui sort, l'urine. L'urine annule les ablutions. Parmi ce qui sort, les selles. Les selles, c'est ce qui est derrière. Et on avait cité le verset, la partie du verset Aoudja'a ahadum minkum min al-ra'id, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins. Où il a fait ses besoins. Al-ra'id, c'est un terme qui désigne le fait d'accomplir ses besoins, que ce soit l'urine ou les selles. L'urine ou les selles. Troisièmement, les paix, donc les gaz. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous qui fait une impureté accidentelle jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Ils ont traduit ainsi, impureté accidentelle. Il fait une chose qui annule ses ablutions. فقال رجل من حضرموت, il y a un homme de la ville de Hadramaut, donc au Yémen, qui a dit « Mal hadath ya Abu Hurayra ?» Quand Abu Hurayra a transmis ce hadith, cet homme a dit « C'est quoi el hadath ô Abu Hurayra ?» Abu Hurayra a répondu « Fusa'un au durat » Il lui a dit « C'est l'épée. » Naam, parmi ce qu'il a cité, l'épée, le fait d'avoir un gaz. Une veste ou un paix. Et que soit un simple gaz, ou qu'il y ait un, ou bien que ce soit accompagné de son. On avait aussi cité le hadith « Idha wajada ahadukum fi batni shay'an fashkala alayhi hal yakhruj am la » Lorsque la personne a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il trouvait des choses dans son ventre, est-ce qu'il devait sortir de la salat ou non. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. Qu'il ne sorte pas de la mosquée tant qu'il n'entendra pas, tant qu'il n'entendra pas de son ou sentira une odeur. Donc tant qu'il n'aura pas la certitude d'avoir entendu un bruit ou de sentir une odeur, il ne devra pas sortir de la salat. On comprend que ça, le fait d'avoir un gaz, annule al-wudu. وهذا الحديث رواه مسلم. Et comme il a expliqué l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, ici quand on dit entendre un bruit ou sentir une odeur, ça ne veut pas dire que c'est une condition, ça s'arrête à là. Ce qui est voulu par cela, c'est avoir la certitude que quelque chose est sorti. Ça ne veut pas dire par exemple que celui qui a la certitude d'avoir uriné, il peut rester en salat. Non. Ou celui n'aam karine peut rester en salat. Non. Quand on a cité ces choses-là, c'est pour dire, yani le son et l'odeur, c'est pour dire il est sûr d'avoir annulé ses ablutions. Il est sûr d'avoir annulé ses ablutions. Quatrième chose qui peut sortir, al-mani. Al-mani, c'est le sperme. La cinquième chose, al-mavi. Al-mavi, c'est le liquide. Je ne sais pas s'ils disent prostatique ou préséminal. Lorsque la personne a une excitation, il y a un liquide qui sort, qui est transparent. Le liquide séminal. Jazakallahu khair. Le liquide séminal. Donc c'est, ça n'est pas le sperme, mais c'est celui qui le précède. Un frère nous donne une faïda. Ce liquide, parmi ses bienfaits, na'am, le fait qu'il nettoie le conduit, et comme le disent les gens de science et les médecins, il sert également à faciliter la sortie du sperme. Donc, al-mani, en arabe, c'est le sperme. Ceci annule al-wudu. Al-mavi, pareillement. C'est donc le liquide qui sort avant. Na'am. Il sort dû à un mada, une excitation ou un désir. Mada. Sixièmement, al-wadi. Donc al-mani, il y a al-mavi, il y a également al-wadi. Al-wadi, c'est ce qui peut sortir après que la personne ait fait ses besoins. Après que la personne ait fait ses besoins, il y a un liquide qui peut sortir. on l'appelle al-wadi. D'accord? Après avoir uriné, ou après avoir fait être allé à la selle, il se peut qu'un liquide sorte de devant. C'est ce qu'on appelle al-wadi. Donc tout cela coupe al-wudu. Lorsque la personne a, lorsque les gens questionnaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur al-madi, il a répondu fi al-wudu. Il faut refaire al-wudu. Il faut s'en ablutionner. Ibn Abbas a dit al-mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl. Al-mani, donc le sperme, c'est ce qui rend obligatoire le grand lavage. Wa amma al-madi, wa amma al-madi wal wadi. Ici j'ai avec un del. Soit il y a deux façons de le dire, mais ce que je connais, c'est que c'est avec un del. Wal wadi, ça c'est avec un del. Faqal irsil zakarak. Donc pour le liquide, pour les deux autres liquides en dehors du sperme, la personne doit juste laver sa verge et refaire el wudu. Par contre pour le sperme, il doit faire le rusl. Il doit faire le rusl. Et dans cela, il y a une grande miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib, par exemple. Donc il y a des gens qui ont souvent l'écoulement du liquide, comment est-ce qu'on appelle ? Séminal. D'accord ? Il peut couler très souvent. D'accord ? Que la personne soit mariée, c'est plus rare, ou même célibataire. Même célibataire, plutôt naam, et particulièrement celui qui est célibataire et longue durée après avoir atteint un certain âge. Ali ibn Abi Talib dit, Kuntu rajulan madha'a. Il nous dit, j'étais un homme qui avait beaucoup de ce liquide. Ça peut sortir chez les gens, ainsi, sans même madha, sans même désir. Et il a eu honte, il nous dit, et il a eu honte d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par la place qu'il a pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi est-ce qu'il a eu honte d'aller questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib? Parce qu'il était marié avec sa fille Fatima radiallahu anha. Donc il a eu honte de lui poser la question. Il y a donc quelqu'un qui est parti poser la question à sa place. D'accord? Il est parti poser sa question à sa place. Quand tu as honte, tu peux envoyer quelqu'un, mais de délaisser la question, si tu as besoin pour ta religion, tu n'as pas le droit de délaisser la question. Même si tu as honte, même si c'est gênant. Certains mots sont gênants. On a du mal à les prononcer selon la société dans laquelle tu te trouves, ou selon la langue. Il y a des mots en arabe qui se disent très facilement, mais en français, sont difficiles à prononcer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait laver la verge, d'accord, et refaire el wudu. Donc ça c'est une rahma. Certains frères pensent que dès qu'il y a ce liquide, il faut faire le rousse. Donc s'ils ont ce liquide 10 fois par jour, ils faisaient le rousse 10 fois. Et jusqu'à ce qu'un frère a dit, le jour où j'ai appris qu'il ne fallait pas faire le rousse, ça a changé ma vie. Naam, le jour où j'ai appris qu'il ne fallait pas faire le rousse, ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Naam, c'est lourd. Mais Allah Azza wa Jal a facilité cela. Et le hadith, Man massa dhakara, fala yusalli hatta yatawadda. Il y a un hadith pour ce qui a été utilisé par ceux qui ont dit que de toucher le sexe fait partie des annulatifs des ablutions. Le hadith de Boussara ibn Safwan, ou bin Safwan, celui qui touche ses parties génitales, qu'il ne prie pas tant qu'il n'a pas fait ses ablutions. Qu'il ne prie pas tant qu'il n'a pas fait ses ablutions. C'est rapporté par Ashab al-Sunan et Imam Ahmed rahimahullah ta'ala et authentifié par Imam al-Tirmidhi. L'imam al-Bukhari a dit, suite à ce hadith, wa huwa sah wa shayin fi hadha al-bab. C'est la chose la plus authentique dans ce chapitre. Voilà pour les choses qui peuvent sortir de devant. Et pour finir cela et continuer la suite, elle m'a dit, ou même autre chose peut sortir lorsque la personne est constipée. Ça, c'est une question qui revient. La personne qui est constipée, son liquide, donc le madi peut sortir. On a vu ce qu'il fallait faire quand il y avait du madi ou bien du madi. Laver, d'accord, et refaire le wudu. Et si ça a touché le vêtement, tu mets de l'eau sur le vêtement. Tu mouilles ta main et tu nettoies, ou bien tu prends de l'eau et tu mets sur le vêtement. Ensuite, donc tu as lavé ta partie, tu as mis de l'eau et tu refais maza el wudu. Ça viendra plus tard. Pour la sortie du sperme, c'est pas dans tous les cas où la personne doit faire le ghusl. C'est pas dans tous les cas. Celui dont la sortie est venue suite à une maladie, par exemple, suite au froid, où il est parti aux toilettes, par exemple, il était constipé, ou d'autres causes qui peuvent amener la sortie du mani, sachez que dans ces cas-là, il n'a pas à refaire le ghusl. Il n'a pas à faire le ghusl. Il doit nettoyer avec de l'eau et faire le wudu. D'accord ? C'est lorsqu'il y a l'éjaculation, akramakumullah, avec shahwa. C'est lorsqu'il a la sortie avec shahwa, avec désir. C'est ce qui rend obligatoire le ghusl. Et ça viendra, inshallah, en détail plus tard. Oui. Il y a des choses qui n'annulent pas les ablutions. Ce sont des idées reçues. Les gens pensent que ça annule le wudu, mais en réalité, en regardant dans les textes, les savants disent que ça n'annule pas le wudu. D'accord ? Par exemple, massul mar'a, le fait d'avoir des attouchements avec son épouse. Ça n'annule pas le wudu tant qu'il n'y a rien qui sort. Ça n'annule pas le wudu tant qu'il n'y a rien qui sort. Donc la personne qui a embrassé son épouse, par exemple, ou a touché son épouse, est-ce qu'il doit refaire le wudu ou pas? Est-ce qu'il doit refaire le wudu ou pas? Ça dépend. Si il est sûr que rien n'est sorti, que le madi n'est pas sorti, il n'a pas l'obligation de refaire le wudu. S'il est sorti, il doit laver sa verge, nettoyer la partie du vêtement que sera touché, et il fait le wudu avant de faire la prière. La preuve de cela, Aisha radiallahu anha dit, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qabbalaha wa huwa sa'im wa qala inna al-qublata la tanqudu al-wudu wa la tuftiru sa'im. Aisha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a embrassé alors qu'il, donc il lui a fait un baiser alors qu'il était en état de jeûne. Alors qu'il était en état de jeûne, puis a dit, le fait d'embrasser n'annule pas les ablutions ni le jeûne. N'annule pas les ablutions ni le jeûne. Ce hadith a été rapporté par Al-Bazzar, avec une bonne chaîne de transmission. Et parmi les preuves utilisées par les savants pour dire que de toucher la femme ou si la femme pose sa main sur l'homme, ça n'annule pas le wudu, c'est le hadith dans lequel Aisha radiallahu anha nous dit فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَ مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ عَفْوًا وَهُمَا مَنْسُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك وأعوذ بك وأعوذ بمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Au Seigneur, donc Aïcha nous dit qu'elle a perdu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'elle dormait avec lui, naam, et elle s'est rendue compte qu'il n'était plus à ses côtés. Alors elle l'a cherché avec sa main ainsi. Elle faisait comme ça avec sa main, elle le cherchait. Et à l'époque, pour quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi elle n'en a pas juste regardé? Car à l'époque, les maisons étaient éclairées avec des lanternes, sinon on ne voyait pas. Sinon on ne voyait pas. Donc elle l'a cherché. Et elle dit que sa main est tombée sur les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on appelle le... cette partie-là du pied? Naam. Sous le pied, comment est-ce qu'on dit? La plante des pieds? Naam. Donc sa main a touché la plante des pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient donc réunis, ils étaient joints, et ils étaient élevés. C'est-à-dire qu'il était sur ses doigts de pied. D'accord? Et ça, c'est le dalil pour dire que lorsqu'on est prosterné, comment est-ce qu'on met ses pieds? Comme ça. Pourquoi les savants disent ça? C'est suite à ce hadith. Si tu mets ta main sur les pieds, que tu touches les deux, et tu touches la plante des pieds, ça veut dire quoi? Ils peuvent être que comme ça. Donc tu colles tes pieds en sujoud, et tu les mets sur les doigts de pied. Et tu essaies de mettre tes doigts de pied en direction de la qibla. Et il faisait du'a. Il était à la mosquée, il faisait du'a. Car, comme vous le savez tous, la chambre de Aïcha donnait sur la mosquée. Ce n'est pas à l'intérieur de la mosquée, mais elle donnait sur la mosquée. Au Seigneur, cherche protection. Il était prosterné, il faisait du'a. Au Seigneur, cherche protection dans ta satisfaction contre ta colère, dans ton pardon contre ton châtiment et en toi contre toi-même. Je ne pourrais te louer ni te remercier autant que tu t'es loué toi-même. Apporté par un muslim. Naam. Pourquoi est-ce que les savants utilisaient ce hadith? Car Aïcha a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est resté dans sa prière. Donc, toucher la femme ou que la femme touche l'homme, ça n'annule pas al-wudu. Et dans un autre hadith, an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qabbala ba'da nisa'i thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassa certaines de ses femmes et il sortit ensuite pour accomplir la prière sans faire ses ablutions. Apporté par Ahmed. Un autre hadith, kuntu anam bayna yaday an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa rijlay fi qiblati fa idha sajada ghamazani fa qabadtu rijli. Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et que elle était en direction de la qibla. Ses deux jambes étaient en direction de la qibla. Lorsqu'il voulait se prosterner, il lui poussait ses pieds. Naam, il lui poussait ses pieds. Donc parmi les choses également qui n'annulent pas les ablutions, contrairement à ce que les gens pensent, l'écoulement de sang, l'écoulement du sang par des autres voies que par les voies naturelles. Donc si la personne saigne d'un autre endroit que les voies naturelles, donc de devant ou de derrière, ceci n'annule pas ses ablutions. Par exemple, celui qui saigne du nez, ou il a une blessure au bras, ou à la jambe, ou autre, ceci n'annule pas ses ablutions. Ou une hijama, par exemple, la saignée, ou si on fait une hijama, la saignée, cette personne n'annule pas ses ablutions. Et c'est connu que les sahabas priaient avec leurs blessures. Et c'est connu que les sahabas priaient avec leurs blessures. Ibn Omar, comme l'a rapporté le Bukhari, a pressé un bouton jusqu'à ce que du sang se mit à couler. Et il ne fit pas ses ablutions. Et il ne fit pas ses ablutions. Et Ibn Abi Awfa a craché du sang et il termina quand même sa prière. Et Omar ibn al-Khattab fit sa prière alors qu'il avait une blessure dont coulait du sang. Et Abbad ibn Bishr a été atteint par une flèche alors qu'il faisait sa prière et il continua sa prière. Et vous connaissez tous le hadith. Lorsqu'une personne montait la garde et il récitait le Coran dans la salade, il a reçu une flèche, le sang a coulé, puis une deuxième, puis jusqu'à avoir une hémorragie. Et au moment où il a eu peur de ne plus pouvoir protéger le prophète sallam et d'informer les musulmans, à ce moment-là seulement, il a réveillé le deuxième qui était avec lui. Donc de tous ces hadiths, les savants disent de saigner du nez ou autre, ne coupe pas les ablutions, sauf si ça sort des voies naturelles. Al-qay, le vomissement, également ne coupe pas al-wobo, ne coupe pas al-wobo. Pourquoi? Car pour dire qu'une chose annule l'wobo, il faut un texte. Il faut un texte et il n'y a pas de texte. La personne qui a un doute, elle est sûre d'avoir fait l'wobo, et plus tard elle a un doute. Ce doute-là ne coupe pas ses ablutions. Ce doute-là ne coupe pas ses ablutions. Mais comme on le verra, la personne qui a un vrai doute, c'est recommandé qu'elle refasse al-wudu pour éloigner la future venue de shaitan dans sa salat et le waswas. Sauf si c'est quelqu'un qui a du waswas. Il ne lui est pas permis de refaire al-wudu. Al-waswas, il ne lui est pas permis de refaire al-wudu dans ce cas-là car il est malade. La prochaine question, mata yustahabbu al-wudu, dans quel cas est-ce que c'est recommandé de faire al-wudu? Alla nu'akhir hadha ila darsi al-muqbil inshallah ta'ala. On laisse cette question là pour la semaine prochaine inshallah ta'ala, mercredi. Plusieurs frères ont demandé, est-ce qu'après al-wudu, on peut s'essuyer? Est-ce qu'après al-wudu, on peut s'essuyer? Non. De s'essuyer après al-wudu, c'est mubah. Les savants ont dit que de s'essuyer après al-wudu, c'est mubah, c'est permis. C'est tout simplement permis. Et il y a un hadith dans lequel Aïcha, radiallahu anha, une des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait fait al-wudu, lui a donné une serviette ou quelque chose de semblable pour s'essuyer, mais il a refusé. Naam, il a refusé. Beaucoup disent ou diraient de ce hadith, donc on ne s'essuie pas avec al-wudu. Certains savants ont tiré de ce hadith que si Aïcha a fait ça, naam, si Aïcha a fait ça, c'est peut-être qu'elle savait que par moment il faisait cela. Naam, c'est qu'elle savait peut-être que par moment il faisait cela. Et je veux réviser cette parole, c'est une parole de Cheikh Abdel Mohsen Abbad dans le charh de certains livres de Sunan. Donc c'est permis de s'essuyer après avoir fait al-wudu. Une autre question pour Asiwak, avec quelle main on se frotte les dents? Est-ce que c'est avec la main droite car on a plus de force ou avec la main gauche? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les muhaqqiqoun ont dit que le mieux c'est avec la main gauche. Pourquoi? Parce que la main gauche c'est c'est tout ce qui sert à enlever des nuisances ou des saletés ou des impuretés ou autres. Et lorsque tu utilises as-siwak, as-siwak mataharatun lil-fam, c'est pour nettoyer la bouche. Donc le mieux c'est de le faire avec la main gauche. C'est de prendre l'habitude, de s'habituer à nettoyer avec la main gauche. Naam. Et après la prière, les 15 personnes qui avaient levé leurs mains pour as-siwak, après la salat, vous venez inshallah ta'ala. بارك الله فيكم وصلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.